Revenons au mot appartement. Comment dit-on appartement? Wohnung. Wohnung, oui, qui s'écrit avec ng à la fin, mais en allemand, le g se prononce k, d'où Wohnung. Les mots en ung sont toujours associés à l'article die. Donc, l'appartement, c'est l'habitation, là où on habite. Die Wohnung. Et die Gewohnheit, c'est l'habitude. Les noms en Heit et Keit sont toujours associés à die. Die Gewohnheit. Gewohnheit s'écrit G majuscule E W O H N H E I T. Tous les noms prennent une majuscule en allemand. Dans les mots Wohnung et Gewohnheit, on retrouve l'élément en commun Wohn. De la même manière qu'en français, habitude et habitation sont également proches l'un de l'autre. Donc, die Wohnung et die Gewohnheit. Comment diriez-vous « je n'ai pas l'habitude de le faire »? Ich habe nicht die Gewohnheit es tun. De le faire? Es zu tun. Es zu tun. Si un verbe suit un nom ou un adjectif, il faut utiliser zu. Ich habe nicht die Gewohnheit, es zu tun. Comment diriez-vous « je n'ai pas l'occasion de le voir » ? Vous connaissez le mot allemand pour « opportunité », « occasion ». Die Gelegenheit. Alors, comment diriez-vous « je n'ai pas l'occasion de le voir » ? Ich habe nicht die Gelegenheit, es zu sehen. Ich habe nicht die Gelegenheit, es zu sehen. Gelegenheit. La terminaison Heit indique généralement une notion abstraite. Die Gelegenheit. Voyons, l'un de vos mots préférés, qui signifie beau, belle, c'est... Schön. Schön, oui. Eh bien, si vous voulez dire la beauté en allemand, il vous suffit d'ajouter Heit à la fin du mot, ce qui donne... Die Schönheit. Die Schönheit, oui, tout à fait. Donc, on a Heit et parfois Kite lorsque Kite est plus facile à dire que Heit. Par exemple, possible en allemand se dit... Möglich. Et la possibilité se dira möglich. Möglichkeit. Möglichkeit, oui. Là, le mot est plus facile à prononcer avec la terminaison Kite que Heit. Donc, die Möglichkeit. Alors, comment direz-vous « je n'ai pas la possibilité de le faire » ? Ich habe nicht die Möglichkeit, es zu tun. Bien. Ich habe nicht die Möglichkeit, es zu tun. Après un nom ou un adjectif, on met zu devant l'infinitif. Comment diriez-vous « ce n'est pas possible de le faire ainsi » ? Ainsi, so. Es ist nicht möglich, es so tun. Après un nom ou un adjectif, il faut ajouter quelque chose pour traduire « de le faire ». Es so zu tun. Bien. Es ist nicht möglich, es so zu tun.